Top annonce. Top annonce, je ne sais plus si ça existe. J'ai trouvé un numéro du 16 octobre 2006, mais on va faire comme s'il était d'actualité. Top annonce, vous pouvez tout trouver. Une très bonne mezzanine avec des lits pour un prix sympa. Une table en hêtre. Vous pouvez trouver des services informatiques pour réparer vos ordinateurs en panne. Vous pouvez, et même de la voyance, on vous le déconseille. La parole nous dit que ça, ce n'est pas une bonne chose à rechercher. Vous pouvez trouver des jobs pour étudiants. Familisphère, je peux vous donner le numéro de téléphone après. Il y a aussi des emplois, des offres d'emploi. Page 11, je crois qu'il y a des offres d'emploi. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils recherchent des commerciaux. Vous avez la fibre commerciale ? Ils demandent des gens avec la motivation, de l'autonomie, de la force de conviction. Et alors, vous pourrez partager notre success story, notre histoire de succès. Ils ne disent pas le nom de la marque, mais il y a toutes les coordonnées. Cherche des vendeuses entre 20 et 30 ans, avec de l'expérience, et voici le profil. Il faut être souriante, rapide et ponctuelle. Et ainsi de suite. Alors, on ne va pas lire les petites annonces ensemble. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, Dieu publie des petites annonces. Dieu cherche des hommes et des femmes qu'il peut utiliser. C'est ce qu'on étudie dans notre étude du mercredi, l'homme que Dieu utilise. Et on a vu que c'était surtout des qualités de caractère qu'il recherchait. Il ne cherche pas des gens avec beaucoup d'éducation, beaucoup de force physique nécessairement. Il ne cherche pas des gens célèbres, comme le monde le fait. Dieu cherche des gens humbles. Mais surtout, il cherche des gens disponibles. Il qualifie ceux qu'il appelle. Il n'appelle pas ceux qui sont qualifiés. Il nous appelle tous. Il vous appelle tous et toutes pour son œuvre. Et si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il veut continuer à vous appeler. Il veut que vous entendiez son appel. Et s'il vous a sauvé, si vous êtes venu à lui et qu'il vous êtes encore là, c'est parce qu'il a du travail pour vous. Aujourd'hui, dans notre étude de la fin du chapitre 2 de Philippiens, nous allons voir des personnes que Dieu a utilisées et qui nous donnent un exemple du genre de personnes qu'il recherche. Vous vous souvenez, dans ce chapitre 2, on va relire ensemble le début du chapitre 2. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et nous avons parlé de ces versets, bien sûr. Nous avons dit, essayons d'imaginer ce que serait le monde si ça se passait vraiment comme ça. Si au lieu de chercher à satisfaire mes propres besoins, mes propres intérêts, je cherchais à satisfaire les vôtres et à remplir les besoins que vous avez. Et on s'est dit, c'est vrai que on serait prêt à le faire si les autres commençaient. Parce qu'on a peur que si on commence à faire comme ça, les autres vont en profiter. Et je connais des gens qui sont assez amers, qui s'isolent de plus en plus. Parce qu'ils ont fait du bien aux autres, et il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu de réponse. Alors ils parlent des gens. Oh les gens, vous savez les gens, ils sont ingrats. Moi les gens, je ne fais plus rien pour eux. J'ai assez donné, j'ai rien reçu. Ce qui est triste, c'est qu'en fait, ils s'étiolent, ils se ratatinent sur eux-mêmes. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de douleur. Ils se protègent tellement qu'ils finissent par en étouffer. Non, nous sommes en tant que chrétiens surtout appelés à servir les autres de façon généreuse, sans égoïsme, sans attendre en retour. En faisant confiance à Dieu pour satisfaire et remplir nos besoins, remplir nos nécessités vitales. Et lorsque nous faisons ça, c'est là que nous avons la joie. Les gens cherchent la joie partout. Il suffit de les voir qui font la queue dans les grands supermarchés avec des nouveaux écrans de télé, avec des tas d'ordinateurs, de choses nouvelles. Et pourtant, si vous les regardez, il y en a très peu qui sourient. J'ai toujours été frappé lorsque je suis dans les grands supermarchés de voir, pardonnez-moi les termes, la tronche que les gens tirent. Ils sont tous stressés, ils achètent, ils peuvent acheter, ils peuvent remplir leur caddie. Et pourtant, il n'y a aucune joie, il n'y a aucun sourire sur leur visage. Vraiment, que serait le monde si les gens commençaient à vivre comme ça, ces fameux gens? Que serait notre Église si nous commencions vraiment à mettre en application ces choses-là? Je vous laisse imaginer, sourire peut-être intérieurement. Non, d'abord. On ne serait pas encore rentré parce que les gens seraient encore à se disputer pour passer derrière. Je plaisante, mais le secret de la joie, c'est le service des autres. Pour le Seigneur. Ce n'est pas le service des autres pour retirer la gloriole. Ce n'est pas le service des autres parce que c'est l'application des droits de l'homme. On a des tas de gens qui ont à cœur de servir les autres, qui s'engagent dans les ONG, qui vont au bout du monde, qui prennent des risques pour leur vie. Mais ils le font aussi en vertu d'une philosophie et non pas pour une personne. Et c'est là toute la différence. Nous, lorsque nous servons pour Christ. Et ça fait toute la différence dans le monde. Paul veut nous montrer que cette vie-là, elle est possible. Il leur dit, vous avez déjà éprouvé de la consolation dans le fait de savoir que Christ vous aime, qu'il est mort pour vous. Vous avez été encouragés par l'amour des autres. Et donc, en vertu de ces choses, de ces réalités, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Est-ce que je pense que vous êtes supérieur à moi? Si je ne le pense pas, c'est que je suis bête. Parce que tous, nous sommes supérieurs les uns aux autres, dans un domaine, dans une qualité, dans une façon de vivre, dans un parcours. Et l'orgueil, encore une fois, c'est la chose la plus stupide du monde. Qui sommes-nous que Dieu n'a pas créé? Quel don avons-nous que Dieu ne nous a pas donné? Pourquoi donc s'en enorgueillir et penser qu'on est supérieur à l'autre parce qu'il ne peut pas jouer de la guitare comme Marc peut jouer de la guitare? Ou jouer de la flûte comme Mina, ou de la clarinette comme Mina, et d'autres. Nous devons vraiment penser que notre plus grande utilité, c'est de notre but dans la vie, c'est d'aimer Dieu en servant les autres. Et il donne des exemples. Il donne l'exemple de Jésus-Christ. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une chose arrachée d'être et considéré comme égal avec Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. Il a pris la condition d'esclave. Il est venu non pour être servi, mais pour servir, nous disait-il. Il posait la question du serviteur, « Que puis-je faire pour vous ?» Marc 10. À plusieurs reprises, c'était sa question, « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Est-ce que nous allons poser cette question les uns aux autres ? « Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui ?» Alors, bien sûr, Jésus-Christ s'est humilié et c'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus va faire qu'un jour tout genou va fléchir et toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est l'exemple de Jésus-Christ. Mais certains me diront, oui c'est facile, Jésus-Christ, son exemple, il était Dieu, il est Dieu. Donc c'est facile pour lui de vivre parfaitement, de vivre en servant les autres. Paul va, après ça, mettre son propre nom comme exemple. Et il, dans les versets qui suivent, à la fin du verset 16 et 17, 18, il les invite à être irréprochables et purs. On a vu que la clé, c'était d'arrêter de rouspéter. Je ne sais pas si l'équipe de handball a gagné la médaille d'or ce matin. Peut-être quelqu'un le sait, qu'il y a un enregistrement. Ils étaient sur la bonne voie. Mais une chose est sûre, que si on voulait rajouter une médaille d'or à la France, il suffirait d'ouvrir une compétition de rouspétance. On serait médaille d'or. On est les champions du monde pour rouspéter. On doit le reconnaître humblement. Et la clé pour briller, c'est de ne pas rouspéter, pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et là, il se met en exemple, il va servir de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi. Je m'en réjouis, je me réjouis avec vous tous. Son sujet de gloire au jour de Christ, lorsqu'il reverra le Seigneur, ce sera de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Si ces Philippiens, cette église qu'il avait implantée une dizaine d'années plus tôt, ont gardé la foi et qu'ils ont continué à briller comme un flambeau dans le monde. Il leur dit qu'il servira de libation. Alors, vous avez entendu parler de la notion de sacrifice lorsque Raphaël a enseigné sur ce sujet. Encore une fois, il y avait les grands sacrifices, il y avait l'Holocauste, où on se consacrait à Dieu. Il vous a expliqué que ça venait du nom, de la racine hébraïque qui voulait dire aller vers le haut. C'est bien ça ? Et que ce grand sacrifice, il était souvent accompagné d'autres choses. Et la libation, c'était un sacrifice fait avec un liquide, généralement du vin. Ça pouvait être du sang. Et bien sûr, l'idée, c'est que c'était une préfiguration du sacrifice du sang que Jésus a offert pour nous, pour nos péchés. Mais dans le sens de la libation, c'était quelque chose qui accompagnait un autre sacrifice. Lorsqu'il parle de libation ici, il parle de sa mort prochaine. Il n'est pas sûr s'il va revoir ses Philippiens avant d'être mis à mort. Il est en prison à Rome, je vous le rappelle, attendant qu'on décide de son sort. Il a une certaine liberté, il peut recevoir du monde, il est attaché à des gardes romains à qui il prêche sans arrêt et qui se convertissent. Pensez, l'apôtre Paul à votre poignet pendant 4 heures de veille. Ça devait, il devait vraiment avoir le temps de vous présenter tous les arguments qui font que le roi Agrippa était presque prêt de se convertir. Et là, sans doute, beaucoup ont baissé le genou devant le nom de Jésus. Mais cette mort, ils considèrent que c'est le sacrifice secondaire. Ce n'est pas le grand sacrifice. Le grand sacrifice, quel est-il? C'est l'offrande de la foi des Philippiens. Est-ce que vous saviez que votre foi est une offrande? C'est un thème qu'on trouve dans Hébreux. Le sacrifice de votre foi. C'est-à-dire la dépendance envers Dieu pour votre vie et votre vie éternelle. Sacrifier, le terme populaire, c'est renoncer à quelque chose. J'ai sacrifié mon après-midi pour aller garder ce bébé. Renoncer à quelque chose, c'est renoncer à compter sur nos ressources et sur l'homme pour aller vers la vérité et compter seulement sur Dieu. Et Paul, son intérêt, ce n'était pas lui-même. Il était complètement tourné vers les autres. Christ, bien sûr, l'était, mais c'était le grand Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'est incarné. Bien sûr, il savait ce qu'il fallait faire. Il avait les ressources pour le faire. On a vu qu'en fait, lorsqu'on considère sa vie, tous les miracles, toutes les choses qu'il a accomplies, vous pouvez les accomplir par la puissance du Saint-Esprit. Les dons des miracles, ça existe encore aujourd'hui. Les dons de service, les dons de guérison, tout ça, ça existe encore aujourd'hui. Et si vous demandez à Dieu, il peut vous donner ce don, souvent suivant vos besoins ou les besoins de ceux autour de vous. Ce n'est pas histoire de vous glorifier en disant « moi j'ai ce don et toi tu ne l'as pas », mais c'est lorsqu'il y a un besoin, lorsqu'il y a une situation urgente, que Dieu peut vous donner ce don. Vous le laissez, si vous l'utilisez, vous pouvez avoir ces dons. Et donc, ce que Jésus-Christ a fait sur la terre, il l'a fait, et vous êtes capable de le faire. Il a même dit que vous feriez des choses plus grandes parce que il s'était limité géographiquement, il était en un seul lieu. Peut-être qu'il aurait pu à tout moment décider d'être à plusieurs endroits, mais il a accepté volontairement d'être semblable aux hommes. Et puis, donc vous dites, oui, Jésus-Christ, c'est bien, mais c'est quand même quelqu'un de particulier. C'est pas un bon exemple pour moi. Paul était très tourné vers les autres. On voyait qu'il n'y avait aucun égoïsme. Il ne vivait que pour que les autres présentent leur foi en sacrifice. Il voulait tellement les convaincre pour que cette foi, elle puisse être offerte comme un parfum de bonne odeur à Dieu. Mais vous dites, oui, mais Paul, c'est le grand apôtre qui a écrit 13 des 27 livres de l'Ancien, du Nouveau Testament, pardon. C'était vraiment quelqu'un que Dieu a choisi, qui avait été préparé. Ça reste difficile d'être vraiment dans l'humilité, de rien faire par vaine gloire, par rivalité. Alors Paul, à partir du verset 19 à 30, va nous donner l'exemple de deux personnes avec lesquelles peut-être vous allez voir plus de points communs. On va lire ensemble. À partir du verset 19, page 225 dans la Bible à la Colombe. J'espère, dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux du Christ Jésus. Vous savez qu'il a fait ses preuves et que comme un enfant auprès de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair dans ma situation. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même. Ça, c'est l'exemple de Timothée. Maintenant, nous allons faire la connaissance de Épaphrodite. Verset 25, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat, que vous m'avez envoyé et à qui vous avez donné de quoi pourvoir à mes besoins. Il désirait ardemment vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous ayez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été prêt de mourir, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à l'absence de votre service pour moi. Nous arrêterons ici pour aujourd'hui. Deux personnes pour lesquelles on aurait pu remplir une petite annonce dans Paru Vendu, ou Top Annonce, ou 06 Hebdo, je ne sais plus les noms de ces journaux. On va voir qu'il y avait essentiellement des qualités de caractère qui se sont révélées par ce qu'ils ont fait. On ne parle pas de leur beauté, de leur taille, du fait qu'ils n'avaient pas d'embonpoint, du fait qu'ils n'avaient pas de lunettes ou qu'ils en avaient. Non, on parle de leur qualité de caractère. Trop souvent, nous accordons trop d'importance à l'aspect extérieur des choses. Nous n'apprécions pas la beauté intérieure à sa juste mesure. Et j'en profite, nous avons pas mal de jeunes gens, jeunes filles parmi nous, et des moins jeunes, qui peut-être rêvent de rencontrer l'âme sœur, la personne avec qui ils feront le reste du chemin pendant leur parcours terrestre. Ne négligez pas les qualités intérieures. Apprenez à connaître l'autre. Ne soyez pas obnubilés par l'apparence physique. Parce que l'apparence physique, elle change. La force physique, il change. Mais si il y a un vrai caractère tourné vers le Seigneur, les qualités que vous voyez, que vous reconnaissez déjà, elles ont toutes les chances de grandir et devenir plus belles encore. Ces qualités, on va les voir en regardant chacun de ces personnages. Mais c'est une façon pour la Bible de nous dire, voilà les qualifications pour le travail que Dieu a pour nous. Il veut trouver des Timothées, il veut trouver des Épaphrodites. Paul avait fondé l'église à Philippe dans son deuxième voyage missionnaire et il y avait ce jeune Timothée qui était apparu sur la scène. Timothée, il avait un père grec, son nom est un nom grec, Timothéo. Théo, c'est le nom du fils de Carimeris, ça veut dire Dieu. Timothée, c'est celui qui est digne de Dieu, celui qui a de la valeur. Il avait commencé à suivre Paul dans ses voyages. Il avait été formé par Paul à son contact. Et puis, il avait des problèmes. À l'origine, il était timide. Et c'est pour ça que Paul, dans les lettres qu'il a écrites à ce jeune serviteur, ce jeune pasteur, l'encourageait à vaincre sa timidité, en lui rappelant que Dieu ne nous avait pas donné un esprit de peur, de faiblesse et de peur, mais au contraire que Il avait donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et toutes ces qualités que Timothée n'avait pas au départ, par sa persévérance, par son service pour les autres, il a appris à les acquérir, ou il s'est les faites siennes. Il était timide, il est devenu quelqu'un que le Seigneur a pu utiliser de façon importante en nommant deux des lettres de Paul, des lettres à Timothée. Il était le petit-fils et le fils de deux femmes juives chrétiennes qui l'avaient élevé dans la crainte de Dieu. Et cet homme était devenu très cher à Paul. Il était prêt, encore une fois, parce qu'il n'était pas quelqu'un d'égoïste qui pensait à ses intérêts, il espérait leur envoyer ce Timothée pour qu'il ramène des nouvelles de la congrégation. Et il espérait leur envoyer bientôt Timothée, et il leur dit: « Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. » Il avait la même âme que Paul. Le mot traduit par « partager ses sentiments », c'est un mot grec qui veut dire avoir la même âme, une âme égale à celle de Paul, c'est-à-dire les mêmes émotions. Il partageait les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Et il se souciait sincèrement de la situation des Philippiens. Il voulait savoir comment ils allaient, comment ils progressaient dans la foi, s'il y avait des problèmes, s'il y avait des disputes. On va voir que nous savons qu'il y avait quelques disputes. Et Paul ajoute ce commentaire, ce grand compliment sur Timothée, c'est que il n'y a personne qui n'est pas égoïste. Alors on peut penser que ce n'est pas dans tous les gens que Paul avait rencontrés, mais c'est dans les gens qui sont disponibles à Rome avec Paul, sans doute à part Épaphrodite. Mais il dit: tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. C'est intéressant, c'est le verset 21 du chapitre 2. Et j'aime bien des fois essayer de me rappeler de certains passages bibliques en remarquant des choses sur les versets. La numérotation des versets qui n'est pas encore une fois quelque chose d'inspiré, mais qui des fois est très pratique. Il y a un autre passage que nous avons étudié, Philippiens 1:21. Donc 1:21, 2:21. Et dans le verset 21 du premier chapitre, Paul disait: « Pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Autrement dit, Paul disait dans 1:21 qu'il vivait pour Christ. Et là, au chapitre 2, verset 21, il y en a d'autres qui ne vivent pas pour Christ. Et ça, c'est le choix qui est devant vous. Il n'y en a pas 36, soit vous allez être Philippiens 1:21 ou Philippiens 2:21. Ça ferait un sacré t-shirt, ça, pour ceux qui ont des idées d'entreprendre et qui sont des bons commerciaux avec un sourire et ponctuel. Faites un t-shirt en disant Philippiens 1:21 et non pas Philippiens 2:21. Est-ce que nous vivons pour Christ Jésus, pour ses intérêts ou pour les nôtres ? C'est le dilemme. Et pour Timothée, il n'y avait aucun problème. Il vivait pour Christ Jésus, c'est-à-dire qu'il vivait pour les autres. Paul ajoute, il avait fait ses preuves. C'est important, ça. Souvent, de jeunes chrétiens sont pleins de zèle et veulent tout de suite avoir des postes de responsables, des postes à responsabilité. Dans l'Église, certains ont un don pour enseigner. Tout de suite, ils aimeraient enseigner tous les dimanches. Paul conseillait de ne pas porter trop vite la main sur un ancien, de ne pas consacrer trop vite, laisser aux gens le temps de faire leurs preuves. Lorsque Dieu vous confie des petites choses, si vous montrez fidèle dans ces petites choses, alors il nous promet qu'il nous donnera de plus grandes choses. Et ça, c'est à tous les niveaux. Qu'on soit tout nouveau chrétien, prêt à faire le ménage, prêt à être ponctuel et avoir le sourire, ou qu'on soit un grand évangéliste qui parcourt le monde, là aussi le Seigneur nous demande d'être fidèle à ce à quoi il nous appelle. Et c'est ainsi que nous faisons nos preuves devant Dieu, pour nous-mêmes. Nous savons que nous pouvons être ponctuels et avoir le sourire, et que Dieu peut nous utiliser davantage, mais aussi pour les autres, de savoir, oui, mais lui, je sais que je peux lui faire confiance. Paul savait qu'il pouvait faire confiance à Timothée. Il avait servi comme un enfant auprès de son père. Comment est-ce qu'un enfant veut servir son papa? Alors, je ne parle pas que lorsqu'ils entrent, je vous rassure tout de suite, si vous avez des enfants adolescents, là, ça va être tout le contraire. Mais lorsqu'ils sont plus jeunes, ils veulent tellement bien faire. Ils veulent tellement bien faire et ils savent faire si peu qu'en fait, les laisser vous aider, c'est déjà un handicap. Mais peu importe, on sent leur cœur et on veut leur donner l'occasion d'être joyeux, d'aider papa. Et puis, il dit qu'il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. Encore une fois, Paul avait avec une priorité, c'était l'avancée de l'Évangile. Il voulait vivre pour Christ en répandant la bonne nouvelle pour que ce qu'il avait reçu, il puisse le recevoir, les autres puissent le recevoir autour d'eux. Et ça, ça devrait être, si nous sommes vraiment chrétiens, convaincus qu'il y a toute une population qui va se retrouver dans les feux de l'enfer pour l'éternité, ça devrait être déjà une motivation formidable pour nous de ne pas être timide lorsqu'on partage l'Évangile, d'inviter nos amis à venir écouter la prédication, d'inviter nos amis à venir à un concert chrétien, de lire la Bible en public sans honte, de témoigner, de partager, de, lorsque les gens sont dans la difficulté, de demander s'ils permettent que vous priez votre Seigneur pour les aider dans leur situation. Timothée, c'était ça. Même si c'était au départ quelqu'un de timide, mal assuré, il a été grandement utilisé par Dieu parce qu'il était disponible, il s'est laissé qualifier par Dieu. Dieu l'avait appelé, il a répondu en disant « J'arrive, mais je ne sais rien faire, je ne sais pas parler, je suis timide. Je suis timide, mais je me soigne. » Vous avez entendu cette expression. Tous cherchent leurs propres intérêts. Est-ce que moi, ça... Combien de fois dans ma journée, je pense à mes propres intérêts? Je veux dire que le Saint-Esprit me reprend lorsque je me demande ces choses et me montre toutes les fois où j'ai pris tout de suite la place de parking qui était la plus proche de l'église. Où je me suis assise à la bonne place dans l'église pour ne pas être derrière un poteau. Ça va, on n'a pas ce problème aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur veut nous reprendre tous autant que nous sommes? Paul espère envoyer Timothée, il le dit à deux reprises. J'espère vous l'envoyer dès que je verrai clair dans ma situation. Il attendait sans doute un verdict, un jugement, ou pour savoir quel allait être son sort. Il disait même, j'ai cette confiance dans le Seigneur, par la foi, qu'il viendra bientôt. On ne sait pas s'il est revenu ou pas, la tradition ne... certaines traditions disent qu'il est revenu, d'autres, on s'arrête à la fin du livre des Actes, où il est en prison à Rome, et c'est là que s'arrête le récit historique biblique. Timothée, c'était son fils dans la foi. C'est quelqu'un qu'il estimait beaucoup, et pourtant il était prêt à se séparer de sa présence. Lui qui était en prison, Il voulait donner de la joie à cette église de Philippe, à ses amis qu'il avait dans l'église de Philippe, à ses frères et sœurs. Il voulait les toucher, il voulait qu'ils soient encouragés. Et puis il espérait que Timothée reviendrait. C'était un long voyage à l'époque, de Philippe en Macédoine, aujourd'hui au nord de la mer Égée, au sud de la péninsule des Balkans, un peu à l'est, jusqu'à Rome. C'était un voyage plein de risques, mais Timothée était prêt à aller et venir. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas de moyen de communication que de prendre un bateau, de marcher à pied, peut-être de prendre un cheval ou être en un chariot. Mais c'était de longs et pénibles périples. Et Paul nous donne l'exemple de Timothée qui était prêt à servir, qui était prêt à être envoyé selon la volonté de son père spirituel, la volonté de l'apôtre Paul. Paul était prêt vraiment à envoyer le meilleur de ce qu'il avait parmi lui, parmi ses amis proches. Puis au verset 25, nous rencontrons un certain Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat. Et il dit qu'il a estimé nécessaire de leur envoyer Épaphrodite. On suppose en fait que il écrivait ça pour que lorsque les Philippiens reçoivent la lettre et la lisent, ils voient que Épaphrodite, qui était avec Paul à Rome, était revenu. Il avait été renvoyé par Paul. Donc c'est lui qui va porter la lettre. Il n'y avait pas de service de la poste. Les lettres étaient portées par des messagers. Il parle de lui, on a dit que Timothée, c'était celui qui est digne de Dieu, celui qui est honorable dans le Seigneur. Épaphrodite, c'est aussi un mot, donc lui, on peut penser qu'il était complètement païen. Si Timothée avait des racines à la fois païennes et juives par sa mère et sa grand-mère, Épaphrodite, c'est un nom grec, et ce nom signifie « aimable ». Gracieux, agréable, ou une autre traduction, charmant. Nous avons un Épaphrodite parmi nous. Bonjour, charmant. C'était quelqu'un qui avait porté à Paul la collecte qui avait été faite pour lui, pour le soutenir dans l'église de Philippe. Et lui aussi avait fait le voyage périlleux. Il était même venu pour voir quelqu'un qui se trouvait en prison. C'était quelque chose de très dangereux de dire « je viens voir mon ami en prison ». On pouvait aussi bien dire « bon, on vous enferme aussi ». Vous avez sans doute la même foi et vous avez sans doute commis les mêmes délits, et le fait d'être ami avec un prisonnier, c'était quelque chose qui n'était pas très recommandable au point de vue de votre sécurité. Mais Épaphrodite, qui avait été un compagnon d'œuvre, de combat, un frère pour Paul, il l'avait reçu, envoyé par les Philippiens, et c'est là, au verset 25, il dit « vous lui avez donné de quoi pourvoir à mes besoins ». Donc, Timothée, il faut encore se replacer, Timothée était avec Paul, Paul espérait l'envoyer et qu'il revienne. Là, Épaphrodite, c'était les Philippiens qui l'avaient envoyé à Paul avec de l'argent et des nouvelles, et Paul est prêt à le renvoyer, parce qu'en fait, on va voir que Épaphrodite est tombé gravement malade. Et quelque part, la nouvelle s'est répandue jusqu'à Philippe, peut-être par d'autres voyageurs, et ils savent que les Philippiens se font du souci pour la santé d'Épaphrodite. Dans tout ça, on voit que ces gens avaient beaucoup d'amour les uns pour les autres. Et c'est à cela que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tout le reste, c'est superflu. La réalité, c'est l'amour que l'Esprit-Saint met dans nos cœurs, Romains 5:5, cet amour agapé, sacrificiel, qui ne regarde pas son intérêt, mais qui veut servir l'autre. C'est ça qui doit marquer l'Église chrétienne. C'est pour ça que tout ce qui est dispute, division, c'est une horreur, aux yeux, une abomination aux yeux de l'Éternel. Pourquoi ? Parce que ça tue dans l'œuf le message de l'Évangile. Si vous annoncez un message d'amour en vous disputant les uns les autres, vous pouvez garder votre message. Il vaut mieux même enlever le poisson à l'arrière de votre voiture si vous engueulez les gens au feu rouge. C'est du contre-témoignage. Le Mahatma Gandhi avait été approché par des chrétiens lorsqu'il vivait, je crois que c'était à l'île de la Réunion, avant qu'il ne devienne l'apôtre de la non-violence, qu'il libère le continent indien de la domination anglaise. Et il disait qu'il aimait Christ, mais lorsqu'il avait vu les chrétiens à l'œuvre, il n'avait pas voulu devenir chrétien. Un homme de son calibre, s'il avait pu être touché par le Seigneur Jésus, tout le sous-continent indien aurait pu être tourné pour le Seigneur Jésus-Christ. Le contre-témoignage, ne l'excusez pas, ne le tolérez pas surtout. Faites tout ce qui est en votre pouvoir, Paul nous disait, pour être en paix avec tous les hommes, mais encore plus lorsque vous êtes dans la foi. Faites tout pour régler les disputes, les querelles. Et on va voir que Paul va parler de ce sujet parce qu'il sait combien c'est terrible pour une église que d'avoir des gens qui se disputent, des gens qui... Et nul n'est à l'abri de ces disputes. Là aussi, c'est un sujet de prière constant. Nous savons que l'ennemi, s'il ne peut pas attaquer du dehors, il va attaquer du dedans. On a failli avoir une division d'église parce que quelqu'un croyait qu'on allait peindre ces murs en rose. Alors qu'en fait, ce n'était pas le cas. Mais la division d'église était là, prête à entrer en marche. Pour des murs roses ou pour des murs blancs, ou des murs beiges, ou des... Paul sait le dommage et il insiste sur l'unité et sur l'amour. Et cet amour, il dit que, verset 26, il dit que Épaphrodite, charmant, était très triste de savoir qu'ils avaient entendu parler de sa maladie et qu'il se faisait du souci. Et Paul dit qu'en fait, il a été très malade puisqu'il a été près de mourir. Mais Dieu a eu pitié de lui, non seulement de lui, mais aussi de moi, parce que moi aussi j'aurais été très triste. Ça aura ajouté à mes douleurs, mes tristesses. S'il parlait de joie, il savait qu'il y avait une réalité de tristesse, le fait d'être prisonnier, plus libre de ses mouvements. Il souhaitait aller à Rome, en Espagne même. Il ne pouvait plus. Et il dit qu'il a envoyé, il l'a réexpédié à Philippe avec empressement. Il n'a pas dit « Oh, ça m'embête de te laisser partir », afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Et là, c'est un peu l'histoire de... On ne peut pas rentrer dans l'église parce que personne ne veut rentrer l'un devant l'autre, mais c'est un peu ce genre de ping-pong émotionnel et affectif. Je vais être moins triste parce que je vais savoir que vous êtes heureux de savoir qu'il n'est pas malade. Et donc je suis heureux de vous l'envoyer parce que c'est presque... Le monde lit ça et rigole. Alors vous les chrétiens, c'est pas possible. Je vous l'envoie parce que vous réjouissiez, comme ça moi je vais être moins triste, mais je l'aurai plus. Mais ça, c'est les gens qui ne pensent pas à eux. Est-ce que je pense à ce que vous pensez, à ce que vous ressentez ? Est-ce que nous pensons à ce que nous ressentons les uns les autres, notre situation, nos conditions, suffit de regarder autour de soi, on voit des visages épanouis, on voit des visages tristes, on voit des visages stressés, on voit des visages inquiets. Si c'est le cas, le Seigneur nous dit, va vers cette personne, pas pour l'embêter, mais pour lui témoigner de l'intérêt, de la compassion. Avoir de la compassion pour les autres, là c'est vraiment la sympathie, la compassion c'est la même chose, en latin ou en grec. C'est souffrir avec. Et Paul a peur que lorsqu'il voit revenir Épaphrodite, notre charmant de Philippe, Paul a peur qu'il juge que la mission d'Épaphrodite a été un échec. Comment ça se fait que tu reviennes déjà? On t'avait envoyé pour prêter main forte à Paul, pour l'encourager, pour le servir, pour lui préparer, lui faire les courses, lui préparer le repas. Et tu reviens déjà? Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a viré? Tu n'as pas été à la hauteur? Il dit non. Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière. Il n'y a eu aucun problème. Honorez de tels hommes. Mais on a dit qu'il fallait s'humilier. Oui, on s'humilie et c'est Dieu qui peut nous élever. Dieu, par Paul, veut honorer l'humilité d'Épaphrodite, qui s'est sacrifié sans penser à lui pour venir, qui a risqué sa maladie, qui a risqué sa santé, qui a failli mourir. Recevez-le avec tous les honneurs. Ce n'est pas lui qui a échoué, c'est moi qui vous le renvoie pour que vous sachiez qu'il est vivant et que moi j'ai la joie de savoir que vous ne faites plus du souci pour lui. Waouh. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été prêt de mourir, ayant exposé sa vie afin de suppléer à l'absence de votre service pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? D'abord, il a exposé sa vie. En fait, une meilleure traduction pour respecter le mot grec qui est utilisé, il a joué sa vie, comme on joue à un jeu de hasard ou au casino. Il y avait, dans les premiers siècles, il y avait un groupe de chrétiens qui s'appelait, pas les experts, mais qui s'appelait les parabolani. Ça veut dire ceux qui jouaient, les joueurs. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que lorsqu'il y avait une épidémie de peste, de choléra qui frappait une ville, je crois que c'était à Carthage, en Tunisie actuelle, qu'il y avait une telle épidémie de peste, et ces chrétiens étaient prêts à risquer leur vie pour aider les autres. Ils n'avaient aucune considération pour leur propre santé, car il venait nourrir, réconforter des gens qui étaient très contagieux. Il prenait le risque d'attraper la maladie eux-mêmes et on les appelait, on dirait, les gamblers, les joueurs. Ils étaient prêts, par amour pour Dieu, par manque d'égoïsme vital, ils étaient prêts sans masque, sans tube à oxygène, sans... aller montrer l'amour de Christ. Ça, c'est le genre d'amour que Dieu veut pour nous utiliser. Est-ce que je suis prêt à aller soigner quelqu'un avec le sida? Est-ce que je suis prêt à m'occuper d'un enfant qui a la varicelle? Et j'ai jamais eu la varicelle. Alors, encore une fois, il faut que le Seigneur vous appelle à de telles choses, mais je crois que nous avons tendance à exagérer dans le sens inverse. Aujourd'hui, une personne peut se faire attaquer dans la rue, personne ne vient en aide. Oh, j'ai entendu dire, avec les gens, il faut se méfier. Et même une amie... elle a voulu aider quelqu'un, et bien ils lui ont collé un procès en disant que c'était eux qui l'avaient fait tomber alors qu'ils étaient venus pour la chercher. Et on peut trouver toutes les excuses pour ne pas intervenir. Mais ce n'est pas ça que Dieu cherche dans son journal des petites annonces. Il leur dit, il a été près de mourir, ayant exposé sa vie, ayant risqué sa vie avec ce voyage, avec cette maladie, afin de suppléer à l'absence de votre service pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? L'absence de votre service pour moi. Bien sûr, il était à Rome, eux étaient en prison. Non, il parle de le service dont il s'agit, c'était la collecte qu'ils avaient organisée pour venir en aide aux besoins financiers de Paul. Apparemment, quand on était prisonnier à l'époque, il fallait trouver sa nourriture, il fallait trouver ses vêtements, rien n'était fourni. Et donc, il fallait compter sur la charité des autres pour vivre. Il fallait aussi sans doute un peu d'argent. Et les Philippiens, par amour pour Paul, avaient envoyé cette collecte. Ils avaient collecté, mais la collecte à Philippe, c'est une belle et bonne chose, mais ça n'aide pas Paul. Il faut qu'il y ait le lien entre la collecte et Paul. Et il avait ainsi suppléé à l'absence de votre service. Ce n'était pas complet. Et nous aussi, il y a des fois où on fait quelque chose, mais ce n'est pas complet. Il faut s'assurer que le service, que le désir qu'on a d'aider l'autre, il va jusqu'au bout de ce service. Raphaël a donné un ordinateur à Madeleine. L'ordinateur est tombé en panne. J'ai essayé de réparer l'ordinateur, de mettre une carte, ça n'a pas marché. Et tant que cet ordinateur ne marche pas, notre service, il n'est pas fini. Et ce n'est pas pour mettre la pression sur quiconque, je parle, pardonne-moi Raphaël, qui a fait beaucoup pour Madeleine. Mais est-ce que nous aussi, on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, est-ce que notre service pour les autres, il n'est pas aussi fait de simplement de bonnes intentions? Et j'ai déjà partagé ce sentiment que lorsque je pense à faire quelque chose de bien pour quelqu'un, envoyer une petite carte, envoyer un petit paquet à quelqu'un qui est loin, envoyer, passer un coup de fil pour quelqu'un. Ça y est, c'est dans ma conscience. Il y a ce coup de fil, il y a ce téléphone, cet appel, cette lettre, ce cadeau, ce temps mis à part pour servir l'autre. Et tant qu'il n'y a pas une réalisation de ce projet pour l'autre, ça ne sert à rien. C'est comme s'il n'y avait pas eu l'intention. Et prenons garde de ne pas nous satisfaire de bonnes intentions. Nous avons besoin d'aller jusqu'au bout de notre service. Et c'est ce que faisait Épaphrodite au risque de sa vie. Il savait qu'il fallait quelqu'un pour y aller et les autres disaient « Oh non, j'ai trop de travail, j'ai pas le temps, j'ai les enfants à m'occuper. » Puis il y a Épaphrodite qui a dit « Bon, ben c'est bon, j'y vais. » Il a failli mourir. Il a suppléé à l'absence de votre service pour moi. Prions vraiment pour que nous soyons ces Timothée, ces Épaphrodites. Si nous ne pouvons pas être ces Paul ou ces Jésus, nous pouvons l'être, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Mais les Timothées, les Épaphrodites sont moins intimidants parce qu'on se dit, oui, après tout, c'était seulement quelqu'un de sympa qui était prêt à aider les autres. Moi, je voudrais aider les autres. Prenons le temps, encore une fois, de chercher la priorité du Seigneur pour notre journée. Souvent, je commence mes journées trop vite avec les priorités de la veille. Je suis toujours béni de voir Nancy qui prend le temps de rechercher ses priorités, qui fait une liste des choses qu'elle sent que le Seigneur lui demande de faire pour la journée. Et ça aussi, c'est pas le tout de partir dans tous les sens, mais c'est d'être persévérant dans ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et je peux vous garantir que Timothée et Epaphrodite, ce n'étaient pas des gens tristes. Ils n'auraient pas eu la médaille d'or de la rouspétance. Ce n'étaient pas des gens qui rouspétaient, c'était des gens qui servaient les autres, qui s'oubliaient eux-mêmes. Ça fait tellement de bien des fois de s'oublier soi-même. Quand on a un petit bobo, on a le genou qui fait mal, on a le bras qui fait mal et on n'arrête pas de penser à ça. Puis il y a quelque chose qui nous prend notre attention et on oublie même qu'on avait mal. Et c'est la même chose lorsqu'on sert les autres. La joie de Dieu, c'est notre force. La joie, c'est la joie que Dieu nous donne lorsque nous nous oublions et que nous servons les autres pour sa gloire, par humilité, parce que les autres sont plus importants que moi. Prions. Seigneur, merci de nous donner des exemples qui paraissent un peu plus abordables que l'exemple même de ton fils Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, qui s'est humilié jusqu'à prendre la condition d'un homme et de mourir sur la croix. Ou l'exemple de Paul qui tu as tellement utilisé pour établir la nouvelle foi chrétienne, Seigneur, le Nouveau Testament et les bases de l'Église qui marchent encore jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ces Timothée, ce pasteur. Merci pour cet Épaphrodite qui lui était un laïc, qui était simplement un diacre, quelqu'un qui avait à cœur de servir, de s'oublier. Et Seigneur, ma prière, c'est vraiment que tu nous montres comment nous pouvons te servir. Que notre service ne soit pas juste dans les intentions, dans le départ, mais jusqu'à la fin, jusqu'à la réalisation, jusqu'à ce que l'aide soit terminée, accomplie, que la collecte soit acheminée à bon port. Seigneur, merci parce que tu nous promets, et nous l'avons tous déjà expérimenté si nous te connaissons un peu, quand nous oublions nous-mêmes, Seigneur, tu nous donnes la joie, et la joie de te servir et la joie d'aimer nos frères et nos sœurs. Seigneur, donne-nous aussi de servir ceux qui sont au dehors, qui ne te connaissent pas, qui se moquent de nous, parce que c'est comme ça que tu vas les toucher, Seigneur, par l'exemple de notre amour. Seigneur, puisse être amour être un exemple et non pas simplement une contre-publicité, Seigneur, où les gens disent, si c'est ça être chrétien, je préfère rester païen. Seigneur, nous ne pouvons pas le faire sans la force de ton Esprit Saint, Seigneur. Nous sommes des pécheurs pardonnés, mais nous avons besoin de tout ton Esprit Saint, de tout ton amour qu'il déverse dans nos cœurs. Sois glorifié, Seigneur, dans nos vies, dans cette église, dans les églises de la ville, qui t'adore en esprit et en vérité. Fais-toi connaître, Seigneur, par des hommes et des femmes que tu peux utiliser. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.